Bon travail, les gars, bon travail. J'aime bien. Fais attention avec. Allô. Ah, mon vieux. Ah, ouais. C'est comment? De quoi? Tranquille? On est là, je viens de terminer le tournage. Ça s'est bien passé? Franchement, propre, hein, ça sent bon. Hein. J'aime bien ce qui se passe. Attends. Non. Là, c'est pas possible, ça. Non. Il rentre pas, celui-là. J'en veux pas. Mais tu fais quoi, frérot? Faut que tu viennes, là, tout de suite, en fait. Là, il y a une ambiance, là, ce soir. J'ai besoin de toi. Je pense pas rentrer sans toi, c'est mort. J'allais rentrer chez moi, mec. Non, frérot, je veux rien savoir. Tu te dépêches. Tu mets ton plus beau vêtement, tu viens. Vas-y, je vais me changer, j'arrive. C'est pas tonight, mec. Ne le va. Allez, à tout de suite. Ah, yo. C'est une soirée, mec. Let's get it. On fait la fiesta dans la maison. Bébé, ton corps fait perdre la raison. On fait la fiesta dans la maison. C'est le fuego, peu importe la saison. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, reste avec moi toute la soirée, sans moi, t'inquiète, j'ai de quoi faire bouger. Suis-moi, grand monsieur, tout le monde me connaît. C'est moi, tout va bien, y'a pas de danger. Pour tes copines, mes gars seront là pour elles. Mes petites combines, juste pour tes cartes d'aide. À part moi qui te fais sourire comme ça. Yeah, t'en verras pas des hommes comme ça. Non, baby, you know the vibe. C'est carré, tu le sais. Ton corps fait perdre mes mots. C'est carré, tu le sais. On fait la fiesta dans la maison. Bébé, ton cœur fait perdre la raison. Oh, on fait la fiesta dans la maison. C'est fuego, peu importe la saison. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, mauvais garçon fait la fête, pas de prise de tête, sinon je parle compo, je m'énerve. L'argent sale vidé dans les bouteilles, belvédère. Chérie sur ma droite sur la banquette, je fais la guerre. Parfait comprendre bébé, tu es mienne. Putain, météo, je suis ton hiver. On est tellement beau quand on s'en rejuge. Dans le tour du monde, dis-moi quand t'es prête. Let's get it. Baby, you know the vibe. C'est carré, tu le sais. Ben oui. Ton corps fait perdre mes mots. C'est carré, tu le sais. On fait la fiesta dans la maison. Bébé, ton corps fait perdre la raison. Oh, on fait la fiesta dans la maison. C'est fuego, peu importe la saison. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh oui, je suis prêt, je coûte cher. Quand je te regarde, je remercie ta mère. Oh toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Toi et moi, on se sait. Bonnie and Clyde, on se sait. Tu sais, ça va bien de regarder les gens comme ça en fin de soirée. Je t'ai pas regardé. Arrête de moi. Je te jure, je t'ai pas regardé. Oh là là, tu sais pas, mon chéri. Tu m'as regardé. Je t'ai regardé. J'ai aimé. T'as aimé. Mm-hmm. T'as passé une bonne soirée? Ouais, c'était cool. Et toi? Mm-hmm.